pas chercher à me retourner, à tendre la main pour me raccrocher. Je suis le chemin que je me suis tracé, je suis le chemin. Yeah.